dit Harry en fuyant le regard accusateur de Mistaigne. Il ne fut pas assez rapide, cependant. Attiré par le mystérieux pouvoir qui semblait le lier à son horrible animal, Argus Rusard surgit soudain à travers une tapisserie, la respiration sifflante, le regard flamboyant. Sa tête était enveloppée dans une écharpe écossaise et son nez avait pris une teinte violette. « De la saleté !» s'écria-t-il, les bajoues frémissantes, les yeux exorbités. Il pointa du doigt la mare de boue qui s'était formée autour de Harry. « Désordre et cochonnerie ! J'en ai assez ! Suivez-moi, Potter !» La mine sombre, Harry adressa à Nick quasi sans tête un signe de la main et suivit Rusard au rez-de-chaussée, ajoutant de nouvelles traces de pas boueuses à celles qui existaient déjà. Harry n'avait encore jamais eu l'occasion d'entrer dans le bureau de Rusard. C'était un endroit que les élèves évitaient soigneusement. La pièce, misérable et dépourvue de fenêtres, était éclairée par une simple lampe à pétrole suspendue au plafond bas. Une vague odeur de poisson frit flottait dans l'air. Des placards en bois s'alignaient le long des murs, remplis de dossiers dans lesquels Rusard conservait les détails des punitions qu'il avait infligées aux élèves de Poudlard tout au long de sa carrière. Fred et George Weasley avaient le droit à un casier entier pour eux tout seuls. Une collection de chaînes et de menottes soigneusement astiquées était accrochée au mur, derrière le bureau de Rusard. Il était de notoriété publique qu'il avait toujours demandé à Dumbledore l'autorisation de suspendre les élèves au plafond par les chevilles. Rusard prit une plume et un morceau de parchemin qu'il étala devant lui. « Allons-y, marmonna-t-il d'un air furieux. Remplissons le formulaire. Nom, Harry Potter. Crime ? N'exagérons rien, ce n'était qu'un petit peu de boue, coupa Harry. Pour vous, ce n'est qu'un peu de boue, mon garçon. Mais pour moi, c'est une heure de plus à récurer vos saletés, s'exclama Rusard. Nous disions donc. Crime. Souillure du château. Châtiment proposé. » La plume en l'air, Rusard lança un regard sournois à Harry qui attendait en retenant son souffle que tombe la sentence. Mais au moment où le concierge abaissa à nouveau la plume, un grand boum juste au-dessus du bureau fit vaciller la lampe à pétrole suspendue au plafond. « Pive !» s'écria Rusard en jetant sa plume dans un accès de rage. « Cette fois, je t'aurai !» Et sans un regard vers Harry, Rusard se rua hors du bureau, Mistaigne sur ses talons. Pive était l'esprit frappeur de l'école, une menace permanente qui flottait dans les airs en répandant sur son passage désordre et consternation. Harry n'aimait pas beaucoup Pive, mais il lui était reconnaissant de s'être manifesté en cet instant. En attendant Rusard, Harry se laissa tomber dans le fauteuil mangé au mythe devant le bureau. À côté du formulaire que le concierge n'avait pas fini de remplir, arrivait une grosse enveloppe violette sur laquelle était écrit en lettres d'argent. « Vite magique, cours par correspondance pour sorcier débutant. » Intrigué, Harry ouvrit l'enveloppe, retira le morceau de parchemin qu'elle contenait et lut le texte qu'il avait sous les yeux. « Vous vous sentez déboussolé dans le nouveau monde de la magie ? Vous n'osez plus jeter de sort en public par peur de paraître ridicule ? Tout le monde éclate de rire quand on vous voit tenir votre baguette magique ? Il existe une solution à vos problèmes. » Suivait une longue description de la méthode proposée, accompagnée de témoignages enthousiastes. Fasciné, Harry jeta un coup d'œil aux autres prospectus qu'il trouva dans l'enveloppe. Pourquoi donc Rusard voulait-il suivre un cours de magie par correspondance ? Cela signifiait-il qu'il n'était pas un sorcier à part entière ? À ce moment, il entendit le pas du concierge dans le couloir. Harry remit aussitôt les prospectus dans l'enveloppe qu'il projeta sur le bureau à l'instant où la porte s'ouvrait. Rusard avait l'air triomphant. « Cette armoire à disparaître avait une grande valeur !» dit-il à Mistaigne d'un air joyeux. « Cette fois-ci, ma mignonne, Pive est coincée !» Il posa les yeux sur Harry, puis sur l'enveloppe de la méthode vite magique. Harry se rendit compte trop tard qu'il n'avait jeté à une bonne cinquantaine de centimètres de l'endroit où elle se trouvait auparavant. Le visage d'ordinaire livide de Rusard vira au rouge brique. Harry se prépara à être submergé par une vague de fureur. Rusard saisit l'enveloppe d'un geste vif et la rangea dans un tiroir. « Vous, vous avez lu ? » balbutia-t-il. « Non, mentit Harry. » Rusard se tordait les mains. « Si j'avais pensé que vous liriez ma correspondance privée, d'ailleurs ce n'est pas à moi, c'est pour un ami. Néanmoins, cependant... » Harry le regardait avec inquiétude. Rusard n'avait jamais paru aussi en colère. Ses yeux lui sortaient de la tête et ses joues flasques étaient agitées de tics. « Très bien. Dans ce cas, sortez, et pas un mot. Non pas que... Enfin, si vous ne l'avez pas lu... Allez-vous-en, il faut que j'écrive un rapport sur Pive. » Stupéfait d'avoir une telle chance, Harry se précipita hors du bureau, fila le long du couloir et monta l'escalier 4 à 4. Sortir du bureau de Rusard sans la moindre punition représentait sans doute un exploit unique dans l'histoire de l'école. « Harry, Harry, ça a marché ?» Nick quasi sans tête sortit d'une salle de classe. Derrière lui, arrivaient les restes d'une grande armoire noire et or qui avait dû tomber de haut et s'était fracassée sur le sol. « J'ai réussi à convaincre Pive de la laisser tomber juste au-dessus du bureau de Rusard, » dit Nick. « J'espérais détourner son attention. » « C'était vous ?» dit Harry avec reconnaissance. « Oui, ça a très bien marché. Je n'ai même pas eu de retenue. Merci, Nick !» Ils repartirent ensemble le long du couloir. Harry remarqua que Nick quasi sans tête tenait toujours à la main la lettre de refus de Sir Patrick.